parler d'amour, fût-il soit ainsi soit-il. Mon anonyme, la nuit je t'exile, je t'exile dans ma peau, dans mes veines, dans mes veines, dans mon sang, dans mon sang. Je t'exile en moi. Expressément censuré le rêve de toi, mon anonyme en exil. Synonymes éclatés au rebord de mes larmes naissantes. Je m'exige en forme de chasteté indestructible, exclusivité du temps. Je tends la corde de mon cœur anorexique à me tordre de mille excuses enfantines. J'exauce mes délires de solitude. Aussi soit-il mon anonyme, mon anonyme en exil. Je m'affale devant la certitude de mon inexistence. Tu es celui que j'aimerais en excellence. Je me semblais être femme, rien que pour toi, et pour toi. Exclusivement rien, je suis rien, je suis pour rien, je suis pour rien. Homonyme d'être trompé à l'insu de mes joies mourantes. Je t'exige en forme de créateur. Exclusivité du temps, je coupe les envies de ma langue boulimique. À me dresser d'une infime survie. J'exhale des intimités du seul vice à aimer. Je m'affale de mon expressément censuré, on en rêve de toi. Mon anonyme, je me sens être femme, rien que pour toi, pour toi. Synonyme éclaté au rebord de ma larme, je me sens soit-il de chasteté indestructible. Expressément censuré, le rêve de tu es. Mon anonyme dans mon sein. Je m'affale devant la certitude de mon inexistence. Tu es celui que j'aimerais en excellence. Je peux sembler être femme rien que pour toi et pour toi. Parler d'amour, fût-il soi. Mon anonyme, mon exil, parler d'amour. Fût-il soi, si soit-il. Parler d'amour, fût-il